La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Jeanne d'Arc, une rencontre. Épisode 1, recherche Jeanne d'Arc désespérément. Jeanne d'Arc fait partie de ma vie. Normal, j'ai grandi à Rouen, la ville où le 30 mai 1431, cette jeune femme de 19 ans a été brûlée vive sur la place du Vieux Marché. Ici, son nom est partout. Une tour, une avenue, une église, un lycée et même un pont portent son nom. Mais de Jeanne, la vraie, on parle peu. Par ignorance ou par crainte, on se tait. Alors, j'ai décidé de rouvrir l'enquête, de retrouver sa trace et de reconstituer la vie de cette héroïne, disparue derrière les mythes et les récupérations, en me fiant à mon flair et à mes souvenirs. La première fois que j'ai rencontré la Pucelle, c'était dans un petit musée aux aires de cabinet de curiosité installé presque à l'emplacement du bûcher. Aussi, quand j'ai débuté mon enquête, en me rendant comme il se doit sur les lieux du crime, c'est là que j'ai commencé à fouiller. Et je suis tombé sur un étrange article. Jeanne d'Arc, décapitée dans un musée de Rouen, l'assassin court toujours. Une statue en cire de Jeanne d'Arc, la bergère brûlée vive à Rouen en 1431, a été décapitée mercredi dans un musée de la ville par un visiteur inconnu qui a aussitôt pris la fuite sans donner d'explication. Le visiteur, âgé d'une quarantaine d'années, s'est présenté mercredi au musée de cire Jeanne d'Arc, a payé son billet et pénétré au sous-sol où se trouve retracée la vie de la Pucelle d'Orléans. Arrachant la main d'un garde armé en cire, le visiteur a sans autre forme de procès décapité la statue de Jeanne d'Arc d'un coup de hallebarde. L'alarme s'étant déclenchée, le directeur s'est précipité au sous-sol, croisant violemment le chemin du meurtrier qui a réussi à prendre la fuite. Ironie de l'histoire, la statue de celle qui s'est évertuée à bouter les Anglais hors de France a été provisoirement coiffée d'une tête de jeune Anglaise, empruntée à un autre mannequin du musée par la direction qui souhaitait éviter de choquer les visiteurs en laissant le corps décapité. À Rouen, on continue donc de vouloir du mal à Jeanne. D'ailleurs, le musée où ce forfait a été perpétré a aujourd'hui fermé et laissé place à un historial où les mannequins costumés et autres dioramas ont été remplacés par des vidéos. Mais cela m'a laissé un vague sentiment d'absence. Comme quand je regardais fasciné la réplique de sa petite armure vide dans la vitrine de feu le musée. J'ai alors fait appel à une clique de chasseurs de fantômes, au premier rang desquels un amateur de paradoxes doublé d'un chercheur de trésors. Vous, ce qui vous intéresse, Elios Azoulay, en qualité de Rouennais. Est-ce que c'est vraiment une qualité? Est-ce que c'est vraiment une qualité? Mais je vous écoute. Hein. Bah, vous qui aimez explorer les interstices, les sous-bassements et les îles sous la mer, pour sentir la présence de Jeanne d'Arc, vous préférez aller au 102 de la rue Jeanne d'Arc? Écoutez, en tout cas, il est absolument certain, à mon sens, que si véritablement on cherche quelque chose, faut pas aller dans l'endroit où vont tout le monde. Enfin, c'est impossible. Je veux dire, si véritablement, je sais pas si on va la trouver. Il y a même peu de chance, naturellement. Mais si vraiment vous cherchez la sainteté, faut pas aller à la cathédrale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais vous montrer. Il y a une espèce de cour d'immeuble ici au 102 de cette rue Jeanne d'Arc. Vous voyez, vous avez un magnifique écrit. plutôt la graver ici était la tour du château de Philippe Auguste, dite plus tard tour de la Pucelle Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui fut prisonnière, voilà, du 25 décembre 1430 au 30 mai 1431, jour de son supplice, comme tout le monde devrait le savoir en vous écoutant. Voilà. On peut rentrer. Donc c'est un immeuble hein, qui est ouvert. Hein. Et voilà, vous avez quelques petits vestiges. Ici, c'est très très beau. Vous voyez, il y a une petite promenade comme ça. Et puis, on peut descendre vers ce qui sans doute a été une espèce de puits. Vous avez quelques marches. Vous l'entendez, ça ? Ça résonne, on est vraiment... Moi, je trouve ça très très beau. Quelques vieilles pierres qui ne disent plus rien, qui n'ont peut-être plus rien à dire, mais en tout cas, mais elles sont là et c'est plutôt un lieu serein, voilà, que j'aime beaucoup et que j'ai découvert par hasard, parce que vous savez, c'est pas... Ici, il va falloir un jour résoudre la question de l'inconscient collectif rouennais sur Jeanne d'Arc. Moi, c'est une personnalité, malgré un certain nombre d'apparats, naturellement, mais qu'on n'a jamais fini de brûler, vous savez, à Rouen. C'est-à-dire que quand vous allez à Orléans, quand vous allez à Rouen, vous vous rendez compte que les deux villes ont une perception, une manière de la vivre, si je puis dire, diamétralement opposée. Et que dans une certaine mesure, et c'est là qu'on voit, quand on voit la différence entre aujourd'hui les fêtes Jeanne d'Arc à Rouen et les fêtes Jeanne d'Arc à Orléans, on voit véritablement qu'on est peut-être toujours emmerdé de l'avoir cramé. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois qu'on n'en est pas véritablement sorti. Alors je dis pas qu'on met de l'huile sur le feu encore, mais bon, on n'est peut-être pas si à l'aise avec cette question-là. C'est curieux, hein, parce que bon, quand même, on devrait s'en sortir de la culpabilité. Mais enfin, en même temps, la culpabilité, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien entretenu par l'Église catholique. Donc, je crois qu'ils se sentiront coupables jusqu'à la fin des temps. Hein. Vous savez, moi, je ne crois pas trop. Alors, moi, on va parler un peu d'autre chose, mais on sera peut-être pas très loin de ce sujet. Je crois pas trop en la culpabilité. Je crois que les gens se sentent coupables pour éviter de véritablement demander pardon. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est trop simple de se sentir coupable dans une certaine mesure. Et je crois que l'Église aura beau dire « on est coupable de ça », voilà, je veux dire, bon, il y aura jamais de pardon possible. Finalement, si vous cherchez Jeanne d'Arc, il faut interroger un gamin de 3 ans. Et là, peut-être il vous parlera de Jeanne d'Arc, il le saura pas, mais il aura peut-être quelque chose à vous dire sur cette espèce de pureté, cette espèce d'angélisme qu'on ne voit que dans très peu d'œuvres, finalement. Mais qui se sent de temps en temps, moi je trouve, dans les moments du procès, dans les minutes du procès. Il y a vraiment il y a beaucoup de courage. Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu ? Si je n'y suis, Dieu m'y mette. Et si j'y suis, Dieu m'y tienne. C'est beau ici. Et vous avez cette espèce de trouée vers le ciel, comme ça. C'est très très beau. Très très beau, cette petite cour intérieure. C'est... On est bien, ça résonne, la parole résonne. Alors, effectivement, le procès de Jeanne, il a eu lieu... Henri de Caen. Dans plusieurs salles du château, mais surtout dans la tour où elle était enfermée. Pourquoi ne la faisait-on pas sortir ? C'est parce qu'on avait peur qu'elle se sauve, qu'elle s'en aille. Parce qu'en fait, elle était jugée par un tribunal d'église, donc elle aurait dû être enfermée dans les prisons, dans les cachots du palais archiépiscopal, près de la cathédrale. Mais les Anglais, elle était en fait une prisonnière politique, et les Anglais tenaient à ce qu'elle soit gardée dans un château dont ils avaient le contrôle. Et donc elle n'en est pratiquement jamais sortie. Les interrogatoires avaient lieu le plus souvent dans sa prison. Mais un jour, on l'a sortie de la tour où elle était enfermée pour lui présenter, dans une salle du donjon, les instruments de la torture. Mais on n'a pas utilisé la torture. C'était une jeune fille. On voulait l'impressionner pour qu'elle reconnaisse qu'elle s'était trompée, que les songes ne lui avaient pas dit qu'il fallait chasser les Anglais de France, qu'il fallait soutenir Charles VII. C'était un procès politique. Et il y avait peu d'arguments théologiques. Alors là, on arrive rue du Donjon. Et donc, on est à l'emplacement du château de Philippe Auguste, dont il ne reste aujourd'hui que le donjon, donc qui est la tour maîtresse de ce château du début du XIIIe siècle. Et c'est un donjon qui fait penser à tous les donjons philippiens de cette époque, c'est-à-dire à la tour du prisonnier du château de Gisors, à la tour grise de Verneuil-sur-Avre, à la tour du château de Lillebonne. Donc c'est une tour qui avait une forme, qui a toujours d'ailleurs une forme cylindrique, et dont la couverture a été refaite au XIXe siècle. C'est une couverture en forme de poivrière, hein, et qui repose à sa base sur des ours, donc sur une structure de bois qui dépasse des murs de la tour, ce qui permettait aux défenseurs de lancer éventuellement sur les assaillants des projectiles. Promis la délivrance, voyez, on vous en êtes. Adieu, je m'en remets des ingravances que vous me faites. Voyez comme aujourd'hui Jésus, il m'est si misérablement méchu. Rouen, Rouen, seras-tu mon tombeau? Ma demeure dernière avant d'aller là-haut. Nous sommes de retour rue Jeanne d'Arc, Elios Azoulay. Cette rue qui est comme une plaie, toujours ouverte, au cœur de la ville de Rouen, qui descend du donjon jusqu'au pont Jeanne d'Arc, non loin de l'endroit où on a dispersé les cendres de Jeanne d'Arc pour être sûr qu'aucun sorcier ou sorcière n'en ferait usage pour quelques maléfices. Et descendant cette rue Jeanne d'Arc, on passe devant le square Verdrel et devant une façade qui est la maison où a vécu Marcel Duchamp. Est-ce qu'il y a pour vous, qu'on qualifie parfois de fils de Duchamp et de Chaplin, une résonance, une correspondance, une harmonie entre Marcel Duchamp et Jeanne d'Arc et Elios Azoulay ? Quand on se retrouve devant sa maison, il y a une petite plaque. Naturellement, comme celle que je viens de lire tout à l'heure. Il y a une petite plaque qui raconte que ici a vécu une famille d'artistes. Et je vais la lire en même temps que maintenant que je suis devant, et qui dit, regardez, ici, voilà, ici a vécu entre 1875 et 1925 une famille d'artistes normands. Et vous avez le nom des frères de Duchamp, Jacques Villon, avec la date de naissance et la date de mort. Vous avez son autre frère, Raymond Duchamp-Villon, et vous avez sa sœur, Suzanne, et entre Suzanne et Raymond, vous avez Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, si vous regardez bien, il n'y a pas de date de mort. Vous n'avez que la date de naissance, 1887, parce que lorsque la plaque a été inaugurée, Duchamp était encore vivant. Et ça, moi, je trouve que c'est magnifique, parce que quand vous connaissez l'épitaphe de Marcel Duchamp au cimetière à Rouen, d'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent. Enfin, je veux dire, c'est marrant qu'aucun historien n'ait fait la liaison entre que sur son épitaphe où il dit « Et d'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent. » Et cette plaque, ici, posée dans sa ville, où c'est le seul à ne pas avoir de date de mort de toute sa famille, voilà, ça, je trouve ça extraordinaire. Alors, vous parliez, vous me demandiez, puisqu'il faut revenir à la question que vous me posiez, est-ce qu'il y a véritablement un rapport entre Duchamp et Jeanne d'Arc ? Je crois que s'il existe un rapport, c'est moi, mais au-delà, je ne le vois pas. Ici, quand vous venez à Rouen, bon, on vous montre du Jeanne d'Arc partout, mais finalement, on ne sait jamais où est-ce qu'elle est. Bon, aujourd'hui, on a appelé tout Jeanne d'Arc, mais on ne sait même pas où est-ce qu'elle a foutu les pieds, en gros. Bon, ce qui est intéressant est que les gens viennent finalement se recueillir devant des choses dont on n'est même pas sûr que Jeanne d'Arc ait touché cette petite cuillère, vous voyez, ce qu'elle est... Bon, Chez Duchamp, c'est pareil. Tous les ready-made que vous avez, enfin, le porte-bouteille, l'urinoir, la fontaine, tout ça, ce sont des répliques qui ont été faites dans les années 60 par Arturo Schwartz Milanais. C'est-à-dire qu'on vient se prosterner sur des choses qui sont des copies. C'est-à-dire que là où on pourrait, alors là on va très loin, mais là où on pourrait dans une certaine mesure dire qu'il y a quelque chose de johannique chez Duchamp ou quelque chose de duchampien chez Jeanne d'Arc, c'est qu'on est en train de se prosterner sur des trucs que finalement il n'a même pas touché ou on n'est même pas sûr qu'il l'ait touché. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que qu'il y a quelque chose chez Duchamp de l'ordre du relique. Et donc quand on va voir un urinoir, on a l'air con de voir un urinoir de Duchamp. Alors pourquoi est-ce qu'on va le voir? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi même quand Pinoncelli le casse, on dit « Ah, il a cassé une œuvre, mais c'est une copie !» Détendez-vous, c'est une copie. Oui, elle vaut du pognon, parce qu'elle est signée, mais c'est une copie. Vous savez, honnêtement, s'il y a bien un homme au XXe siècle, en termes d'art, qu'on on en parle comme d'un saint, c'est bien Marcel Duchamp, il n'y en a pas un autre. Le saint, c'est l'homme qu'on va voir exister là où il n'est pas. C'est ça la sainteté. On va chercher la vie là où il n'est pas, là où il n'est plus. Voilà. D'ailleurs, peut-être là où il n'a pas été. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que ce qu'a fait Duchamp de mieux, c'était de respirer. Comme il a dit, je suis un respirateur. Et peut-être ce qu'a fait Jeanne d'Arc de mieux, c'était de se battre. Et c'est tout. Voilà. Et tout le reste, finalement, ce sont des foutaises qu'on vous met dans des boules à neige ou dans des livres d'histoire de l'art. N'en déplaise à Elio Sazoulay, Jeanne d'Arc et Marcel Duchamp ont au moins un autre point commun. Un étrange indigène nommé Patrice Kéréel, ou Pat Réel, auteur d'un essai iconoclaste, Jeanne d'Arc érotique. Accoler le nom de Jeanne à l'adjectif érotique, il fallait l'oser. Mais à Rouen, nous le savons depuis toujours que la Jeanne est érotique, car cela fait partie de nos vieux fantasmes, et de génération en génération. Pat Réel. Si vraiment on se baigne dans l'imagerie habituellement galvaudée, si vous voulez, hein, de Jeanne d'Arc, voilà, l'imagerie catholique, de l'Église, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où véritablement, bon, il y a bien qu'elle est vierge, alors si vous avez le fantôme de la Vierge, peut-être, mais je veux dire, bon, c'est vrai que il ne faut quand même pas oublier quelque chose, quand même, c'est que dans l'Église catholique, il y a un rapport au morbide qui annule pour moi la question de l'érotisme. Vous voyez ce que je veux dire véritablement? C'est-à-dire, je sais pas, ils ont une manière de surenterrer les morts qui moi ne convoque pas tout mon potentiel érotique, cher Martin. En revanche, et c'est là où ça peut être intéressant, je crois que peut-être que l'intérêt, ce serait dans une certaine mesure de concevoir une Jeanne d'Arc, finalement, qu'on peut remettre un petit peu dans le jeu de la vie. Vous comprenez, avant d'être mort, les gens sont en vie quand même. Les gens l'oublient. On vous les met sous cloche. Et après, on vous en fait un sang, vous en fait des bustes, du marbre, etc. Alors, il n'en demeure pas moins qu'ils sont quand même un peu coupables, tous ces gens. Parce que, à la fois, n'est pas Beethoven qui veut, naturellement, mais bon, ce sont des gens aussi qui se sont statufiés aussi de leur vivant dans une certaine mesure, malgré leur colère, malgré tout ça. Vous voyez, finalement, Jeanne d'Arc, elle aurait dû se parjurer. Enfin, vous voyez, oh, ouais, bon, allez, c'est bon, je vais pas me faire cramer quand même, ça craint, comme Socrate. Et ça, c'est peut-être un petit peu le défaut quand on est, quand on est relié comme ça, de manière forte, avec une destinée à l'histoire. Et je pense qu'il y a quelque chose de sans doute socratique, si vous voulez, dans la mort de Socrate, qui vit à travers cette espèce de mort très extraordinaire. Et puis c'est pareil avec Jeanne d'Arc, qui, alors qu'on disait, mais non, mais arrête, tu dis que, allez, arrête, dis pas des conneries, tu vois. Bon. Et puis finalement, elle va vers ce destin, je sais pas, moi, si on m'avait proposé le truc, non, mais j'aurais dit, bon, écoutez, désolé, excusez-moi, pardon, enfin, non, je veux pas brûler, c'est pas possible, c'est pas possible. Ha ha ha. Si notre chère Jeanne d'Arc n'a pas subi de supplice physique, pas de questions extraordinaires, pas de lancettes, de roues, d'électricité, ni de baignoire, la guerre de 100 ans n'est pas celle d'Algérie, elle a bien été mise cependant au supplice moral, mental, et c'est le moment de l'abjuration. Mais alors, nous approchons Henri de Caen de cette abbatiale Saint-Ouen, qui a cette teinte particulière, grise, les murs un peu moussus par endroits, cette pierre découpée comme de la dentelle gothique, où se trouvait ce fameux cimetière de sinistre mémoire où on a forcé Jeanne d'Arc à abjurer. Alors ce cimetière, là nous sommes du côté ouest, hein, on arrive le long de la façade occidentale, et ce cimetière était au sud de la nef, qui a été construite après la scène de l'abjuration. Pourquoi choisir un cimetière ? Ben parce que en ville, il n'y avait pas beaucoup d'emplacements disponibles. Et les seuls emplacements disponibles dans lesquels on pouvait mettre une foule et puis mettre de quoi voir un spectacle, parce que c'était un petit peu un spectacle, eh bien, c'était un cimetière. Il n'y avait pas de monument comme on en construit aujourd'hui et comme on en construit depuis le début du 19e siècle sur les tombes. Hein. La plupart des hommes et des femmes étaient inhumés dans la terre et il n'y avait pas de monument. Donc c'était un espace qui était très libre. Mais comment comprendre qu'il y ait aujourd'hui dans ce jardin une statue de Rollon qui a mis la main sur le duché de Normandie, une pierre runique viking, et pas de Jeanne d'Arc? Alors, il y a quand même des panneaux qui rappellent ce qui s'est passé à cet emplacement. Ici, au cimetière Saint-Ouen, le jeudi 24 mai 1431, Jeanne d'Arc subit l'odieuse épreuve dite de l'abjuration. Donc ça a été placé par la municipalité de Rouen en 1913. Voilà, donc c'est les souvenirs. On va peut-être entrer dans l'église où nous serons à l'abri de cette agréable pluie normande. On est entré dans l'église Saint-Ouen et nous sommes dans les bas-côtés du chœur. À l'époque de la scène de l'abjuration, existait le chœur et pratiquement la totalité du transept. Moi, Jeanne, appelée la Pucelle, misérable pécheresse, après avoir reconnu le lien d'erreur par lequel j'étais attachée et que par la grâce de Dieu je suis retournée à elle, non par feinte, mais de bon cœur et de bonne volonté. Je confesse que j'ai gravement péché en simulant mensongèrement avoir eu des révélations de Dieu et de ses anges, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. De tous mes dits et faits qui sont contre l'Église, je me révoque et je veux demeurer en l'union de l'Église. Que s'est-il passé lors de cette scène? On voulait seulement que Jeanne reconnaisse qu'elle s'était trompée, qu'elle avait eu tort, qu'elle reconnaisse ses fautes. Et on lui a dit, si tu reconnais tes fautes, eh bien, tu ne seras pas brûlée vive. Et alors, elle a reconnu ses fautes, donc elle a signé l'acte d'abjuration, et à partir de ce moment-là, elle n'était plus condamnée à mourir brûlée vive, mais elle était condamnée à mener une salutaire pénitence en prison perpétuelle, au pain de douleur et à l'eau de tristesse. Bon, pauvre Jeanne, elle n'était sans doute pas fière d'avoir eu cette faiblesse, et 3 jours plus tard, elle est revenue sur l'abjuration, et elle a été déclarée comme relapse, c'est-à-dire qu'elle était considérée comme être retombée dans l'hérésie. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle a été condamnée à être brûlée vive. Qu'est-ce que cela fait d'abjurer, d'abjurer sa foi? Pour le savoir, je suis allé voir une femme qui l'avait fait, elle aussi, à l'âge de 19 ans. L'interprète du procès de Jeanne d'Arc de Bresson, devenue depuis écrivain et membre de l'Académie française, Florence Delay. Si l'Église me donne conseil, je signerai, ferai ce qu'on me dira. Je demande qu'on me mette dans la carte de l'Église. Tu n'auras pas plus long délai. Et si tu ne signes pas, tu seras immédiatement brûlé. Elle signe d'une croix. Je me rapporte à la conscience des juges. Je n'ai pas eu le sentiment d'être condamnée d'avance, même si je connaissais la fin. Il y a deux lignes de force dans le film. Il y a la résistance, et ça j'ai beaucoup beaucoup aimé résister, aux questions du tribunal et à la dureté de la prison. Et toutes les répliques de résistance, j'étais jubilée. Et puis la ligne d'effondrement et de peur du feu surtout. Et là, ça a été très douloureux. Ça a été très douloureux et je me souviens de la scène où elle abjure, où à bout de force et par peur du feu, elle dit « Moi, Jeanne, misérable pécheresse » et où elle dit que tout ce qu'elle a, mes voix étaient fausses, où tout ce qu'elle a aimé, tout ce qu'il a construite, elle doit le nier. Et cette scène était insupportable. Et je me suis mise à pleurer. Mais Bresson ne voulait absolument pas que Jeanne pleure. Donc on a été faire un petit tour dans le parc de Meudon. Il a sorti un grand mouchoir en lin bleu, parce qu'il était très élégant. Il m'a essuyé mes larmes, il a attendu que ça soit fini, et on a recommencé. Mais je crois que malgré tout, on voit qu'elle a pleuré. Et c'est peut-être ça une des esthétiques de Bresson. C'est ne jamais montrer en direct quelque chose qui vous détourne de la parole. Thank you. on va s'éloigner un petit peu pour aller vers la chapelle Saint-André, où a été inhumé un évêque d'Avranches, Jean de Saint-Avit, qui, au procès de Jeanne d'Arc, a été le seul à la défendre, pratiquement. Il l'a payé en terminant sa vie en prison. Dans cette chapelle, autrefois dédiée à Saint-André, repose, en attendant la résurrection, Jean de Saint-Avit, de bonne mémoire, né à Châteaudun, abbé de Saint-Denis, évêque d'Avranches, depuis le 8 octobre 1391, lequel, lors du procès de Jeanne d'Arc, fut écarté des délibérations pour avoir opiné, c'est-à-dire pour avoir soutenu que, est-ce chose douteuse qui touche à la foi, on doit toujours recourir au pape ou au concile général. Donc ça ne plaisait pas du tout aux Anglais, hein, parce que, en fait, ils défendaient Jeanne, et les Anglais, ce qu'ils voulaient, c'était condamner Jeanne. Pourquoi condamner Jeanne? Pourquoi condamner une jeune fille? Parce que Jeanne, elle avait aidé Charles VII, et donc c'était un peu celle qui avait fait en sorte que Charles VII, le dauphin Charles, devienne le roi de France. Et les Anglais voulaient déconsidérer Charles VII en faisant condamner Jeanne comme une vulgaire sorcière, en quelque sorte. Quittant l'abbatiale, je me rends cette fois chez une femme qui n'a jamais abjuré. Une femme trans, branchée par les sorcières à la voix puissante, Hélène Azéra. Donc, Jeanne d'Arc, il y a eu son procès, et elle n'a pas été tuée. Elle n'a pas été condamnée à mort. Mais parce qu'elle s'est engagée à ne plus remettre des vêtements d'homme. Et dans sa prison, ça c'est la version de Michelet, dans sa prison, ses gardiens commencent à la menacer de viol. Et elle prend des vêtements d'homme pour se protéger de ses viols. Et évidemment, c'est le piège. Dès qu'elle est en homme, là, elle est relapse. Elle est revenue sur l'engagement qu'elle a pris et on l'amène au bûcher. Deutéronome 22:5. On en prend une version au hasard. « Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Alors, j'ai un ami qui fait des études hébraïques, il m'a dit « abomination, c'est une condamnation à mort ». Ça, c'est intéressant. On entend le mot « abomination », mais on ne sait pas le sens réel du mot. Les voix et le costume sont les deux raisons pour lesquelles Jeanne a été condamnée. Ce sont les deux chefs d'accusation qui ont été retenus. Le problème de porter un habit d'homme, c'est des questions morales, certes, mais c'est surtout une question théologique. Colette Beaune. Puisque dans le Deutéronome, qui est un délit de l'Ancien Testament, il est dit que si une femme porte un habit d'homme, elle doit être condamnée, excommuniée, c'est pas le mot qu'on utilise, c'est ça que ça veut dire, parce qu'il est interdit aux femmes de porter un habit d'homme. Parce que c'est l'inversion des genres et que l'être et le paraître ne coïncident plus. Voilà. Encore que, c'est mieux quand une femme porte un habit d'homme que quand un homme porte un habit de femme. Parce que quand une femme porte un habit d'homme, ça veut dire qu'elle aspire au mieux le masculin. Tandis que quand un homme porte un habit de femme, là, c'est beaucoup plus douteux encore. Et le problème, c'est de savoir si le Deutéronome, qui est quand même un délit de l'Ancien Testament, s'applique encore après la venue du Christ dans le christianisme. Oui, en principe, oui, il y a encore des conciles qui le déconseillent, mais saint Thomas d'Aquin, au cours du XIIIe siècle, avait dit que en cas de nécessité, la femme peut porter un habit d'homme. Alors, le cas de nécessité, c'est le voyage, c'est les opérations militaires, enfin, il y a toutes ces séries de choses. Mais donc, avec le cas de nécessité, ça pouvait coller. Le problème, c'est que la nécessité est par nature de l'ordre. Ça ne dure pas, une nécessité. Si Jeanne avait mis un habit d'homme durant une bataille, puis elle était revenue à sa robe après, ça allait. Mais voilà, elle a porté un habit d'homme de façon continue pendant plusieurs années. Et sous leur nez, les juges ont encore une fille qui est habillée en homme. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent prouver, voir. Et le cas de nécessité n'est en fait pas tellement applicable. Ils ont un scandale vivant devant eux. Pour quelle cause avez-vous repris l'habit d'homme ? Après mon abjuration et renonciation, on m'a tourmenté violemment en ma prison. Molesté, battu et foulé. Et un milord d'Angleterre a tenté de me forcer. Et c'est la cause pourquoi j'ai repris l'habit d'homme. Avez-vous abjuré ? Et spécialement promis de ne point reprendre cet habit ? J'aime mieux mourir que d'être offert. On voit aussi donc le tabou, où tout de suite il va y avoir la sorcellerie, parce que le ces trucs comme ça, bon, c'est contre la Bible, et tout de suite il y a des amalgames, la sorcellerie, on l'a quand même beaucoup accusée de sorcière, et c'est pour ça que le roi ne fait rien pour la sortir du guépier, il ne cherche pas à la racheter, et bon, en même temps, elle est devenue un tel truc de propagande pour le roi de France que les Anglais et leurs collabos il faut qu'il la brûle, quoi. Mais voilà, il y a cette histoire de sorcellerie qu'on va lui coller dessus à partir de l'interdiction du Deutéronome. Mais est-ce qu'elle s'habille en homme ? Elle met des habits d'homme, ça c'est vrai. Elle met une armure, mais c'est un vêtement de travail qu'on est sur un champ de bataille. Donc, est-ce qu'elle est habillée en homme ou est-ce qu'elle est habillée en guerrier ? C'est la petite chose. Mais c'est certain que il y a une petite transgression là-dessus que beaucoup de héros se permettent. En fait, il y a deux choses avec Jeanne d'Arc. Il y a le côté soldat et puis il y a le côté vêtement ou identité masculine. Dieu vous a-t-il prescrit de prendre habit d'homme ? L'habit, c'est peu, la moindre chose. Mais n'ai pris cet habit d'homme par le conseil d'homme au monde. Je n'ai pris cet habit et n'ai rien fait, sinon par commandement de Dieu et de ses anges. Vous semble-t-il que ce commandement fait à vous de prendre habit d'homme soit licite ? Tout ce que j'ai fait est par le commandement du Seigneur. Et s'il me prescrivait d'en prendre un autre, je le prendrais, puisque ce serait par le commandement de Dieu. On s'est posé la question, le bourgeois de Paris disait « J'ai entendu parler d'une créature en forme de femme, ne sait qui c'est ». Autrement dit, il se posait la question de l'identité sexuelle de Jeanne d'Arc. Et cette question de l'identité sexuelle s'est posée jusqu'à la fin, puisque sur le bûcher, on ouvre la robe pour montrer à tous qu'elle était bien une femme et pas un homme. Pourquoi se posait-on la question ? Parce que c'était une femme habillée en homme. Et donc, si elle était habillée en homme, elle devait être un homme, et autrement, elle aurait dû porter une robe. Or, voilà qu'elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait pour des raisons extrêmement diverses. D'abord parce que pour faire la guerre et puis pour s'en aller sur les chemins, un pantalon est plus commode qu'une robe, c'est très évident. Et puis aussi parce que progressivement, elle a identifié cet habit à sa mission. Et elle pensait qu'elle devait porter cet habit d'homme jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Et donc elle n'avait aucune raison, dit-elle, d'abandonner ce costume, puisque la mission n'était pas accomplie. Je vous certifie que vous aurez messe si vous êtes en habit de femme. Et que dites-vous si j'ai juré et promis à notre roi de ne pas mettre bas l'habit d'homme ? Toutefois, je vous réponds. Faites-moi faire une robe longue jusqu'à terre, sans queue, et me la donner pour aller à la messe. Et puis, au retour, je reprendrai l'habit que j'ai. Il y a deux sources, disons, qui sont importantes et différentes. C'est d'un côté l'histoire de son procès et de l'autre la réhabilitation. Chloé Maillet. Et donc, au moment du procès, on voit interroger sur pourquoi elle commença à porter de cette façon l'habit d'homme et ce qui l'y conduisit. Elle répondit que ce fut par sa propre volonté, sans aucune contrainte, et que cet habit lui plaisait plus que celui de femme. Voilà ce qui est répondu là-dedans. Mais au moment de la réhabilitation, donc en 1456, quand il était question, eh bien, de ne plus associer le roi qui était monté au pouvoir et qui avait été associé à une hérétique. Et bien du coup, on réexamine cette question. Et ce qui pose problème, ce n'est pas tant le fait qu'elle ait été habillée en garçon ou qu'elle ait porté une armure, c'est le fait qu'elle ait communié sous cet habit. Puisqu'au moment où on est communié, on est face à Dieu, et donc on ne peut pas se présenter sous une apparence différente de celle qu'on est vraiment. Et donc là, voilà ce que dit le procès de réhabilitation. De la même façon, qui imputerait une faute à Sainte Marine qui vécut inconnue, toujours en habit d'homme dans un monastère d'hommes et prenant les sacrements avec les moines? Et avant qu'on ne vît qu'elle était femme, il fallut qu'elle fût accusée d'adultère par la calomnie. Et ce fut en dénudant son corps après sa mort que l'on découvrit son sexe. C'est la même chose de Sainte Eugénie qui vécut en habit d'homme très vertueusement et chastement. Ainsi, Jeanne était légitime de recevoir l'Eucharistie dans cet habit. Donc, les théologiens donnent un argument d'autorité qui est celui que le cas avait déjà existé, et avait existé pour des personnes qui, de l'avis de tout le monde, étaient parfaitement légitimes, puisque c'est des personnes qui sont vénérées comme des saintes par l'Église. Donc en l'occurrence, ils citent Marine et Eugénie, qui sont des saintes byzantines. Ces deux histoires, les historiens pensent que c'est des histoires qui n'ont pas de source historique réelle. Mais en revanche, ce qu'on a découvert un petit peu plus récemment, c'est que sur une trentaine en fait d'histoires de ce type, il y en a certaines qui ont très clairement une source historique. Et donc c'est des cas qui étaient avérés, qui ont existé historiquement, et qui étaient même d'une telle popularité au haut Moyen-Âge que ça explique qu'il y a eu des canonisations en chaîne, voire des histoires réécrites et réinventées de ce type de changement de parcours de vie et de changement de genre. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec Jeanne d'Arc, c'est ces personnages qui sont des réalités et des mythes. C'est-à-dire que le mythe de la femme qui s'habille en homme pour être soldat, on le retrouve, mais dans toutes les cultures. On va le retrouver dans la culture chinoise avec Mulan, on va le retrouver... La Manchal Feles. Elle se sauve de son couvent et elle devient pirate au XVe siècle. Ça, c'est la Jeanne d'Arc espagnole. Et elle a l'épée efficace. Elle en a envoyé une bonne cinquantaine à de patresses. Puis elle rentre en Europe, ou il rentre en Europe, parce que la Manchal Feles vit en homme avec une compagne. Et le pape lui donne l'autorisation de s'habiller en homme et de vivre avec une femme. Ah oui, l'Église catholique, elle fait du rétro-pédalage en ce moment. C'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. C'est le mythe et la réalité. Et donc, on pense que ce qu'il a un peu soutenu, Jeanne d'Arc, comme les conquistadors ont été soutenus par le mythe qui disait qu'il y avait des hommes blancs barbus qui allaient débarquer, etc., elle a été soutenue par ce mythe de ce qu'on appelle dans les contes de fées la fille en garçon. Follow you, you're my Jehovah. Henri Decamp, nous voici place du Vieux Marché à Rouen. C'est une place cruciale dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Et pourtant, ici, place du Vieux Marché, en apparence, Jeanne d'Arc n'est nulle part. Elle est nulle part parce que d'abord elle a été brûlée et que ses cendres ont été jetées dans la Seine. Mais on a retrouvé l'emplacement du bûcher et cet emplacement est marqué par une croix qu'on n'aperçoit pas à l'endroit où nous nous trouvons, mais qui est derrière la toiture de cette église qui a été inaugurée en 1979 et qui est dédiée à Sainte-Jeanne d'Arc. L'église, elle fait corps aussi avec un mémorial très modeste en l'honneur de Jeanne. Et ce mémorial, il a été décidé en 1920 par une loi dont je vous lis un article. Il sera élevé en l'honneur de Jeanne d'Arc sur la place de Rouen, où elle a été brûlée vive, un monument avec cette inscription « À Jeanne d'Arc, le peuple français reconnaissant ». En fait, l'inscription qui se trouve sur ce mémorial est un petit peu plus longue. C'est une inscription qui est d'André Malraux. « Ô Jeanne, sans sépulcre et sans portrait, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants ». On imagine ça dans la bouche, dans la voix d'André Malraux, avec sa voix très, très théâtrale, un peu chevrotante, extraordinaire quand même. Un peu dépassée peut-être aujourd'hui, mais quand même très belle. Et voilà donc tout ce qu'il y a pour évoquer le souvenir de Jeanne sur cette place, donc cette église dédiée à la Sainte, et puis ce mémorial qui a été prévu par une loi de la République française. Ô Jeanne sans sépulcre, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants, Jeanne sans portrait, peu importe tes 20 000 statues, sans compter celles des églises, à tout ce pourquoi la France fut aimée, tu as donné ton visage inconnu. L'Église a mis beaucoup de temps à reconnaître la sainteté de Jeanne d'Arc. Et il ne pouvait pas en être autrement parce que Jeanne a été condamnée en 1431. C'est un tribunal de l'Église qui l'a condamnée. Alors c'est vrai que le jugement a été annulé quelques années plus tard, en 1456. Mais dans un premier temps, elle avait été considérée comme une schismatique et en plus une relapse, c'est-à-dire qu'elle avait reconnu ses erreurs dans un premier temps et puis elle est revenue, elle est retombée dans ses erreurs. Et c'est pour ça qu'elle a été condamnée et livrée aux bras séculiers, c'est-à-dire aux Anglais qui vivaient alors à Rouen et qui étaient le pouvoir politique qui régnait à cette époque en Normandie, sauf au Mont-Saint-Michel, qui n'a jamais été pris par les Anglais. Rouen, prise en 1419 après une résistance désespérée, avait vu périr sur les remparts ou sur l'échafaud ses plus braves défenseurs. D'autres avaient préféré l'exil à l'esclavage ou avaient ensuite succombé, victimes des soupçons des Anglais. Les débris de la population étaient opprimés par la terreur. Deux forteresses nouvelles, le Vieux Palais et la Barbacane, assuraient aux Anglais le cours de la Seine. Ils occupaient les remparts et tous les autres postes fortifiés. Le cardinal d'Angleterre, Henri de Beaumont, évêque de Winchester, grand-oncle du jeune roi Henri VI, était venu s'établir à Rouen pour surveiller le procès et stimuler le zèle des juges vendus aux Anglais. Il espérait, en faisant condamner la Pucelle, déshonorer Charles VII et prouver que ce prince n'avait dû ses succès qu'à la magie et à une puissance infernale. Adolphe Cheruel. Rouen is still an extremely important city Rouen, à l'époque du procès de Jeanne, est une ville très importante. Même après avoir subi un terrible siège en 1419, un des sièges les plus longs de la guerre de Cent Ans. C'est un endroit où tous les Anglais importants possèdent une maison. Le duc de Bedford s'est fait faire une nouvelle maison. Et il y a aussi un palais, voulu par Henri V, qui est en train d'être construit. Mais il n'a jamais été terminé. La présence anglaise à Rouen est importante. De nombreuses troupes y sont basées. Il y a beaucoup de mélanges et d'intégration avec la population locale. De nombreux mariages, un grand parc immobilier géré par les Anglais. Pas seulement à travers des subventions pour des terrains ou des maisons, mais également à travers des achats de propriétés. On peut parler d'une ville anglo-normande. C'est un endroit où le clergé, qui est très important, soutient les Anglais. C'est une ville qui était sûre pour les Anglais, peut-être même une capitale anglaise, plus que Paris. Elle s'est vraiment anglicisée. Rouen a été une ville anglaise pendant plus longtemps. Les relations y sont meilleures entre les Anglais et les locaux. Rouen certainly was contributing to the tax that the English had levied in Normandy. It had been voted by the Rouen contribue sans doute aux impôts que les Anglais lèvent en Normandie, votés par les gouvernements anglais, parce qu'en général les Normands étaient du côté des Anglais. Paris est leur ennemi commun. Et ils jouissaient d'un meilleur statut en suivant les règles anglaises. Le choix de Rouen comme lieu pour le procès est lié au jeune roi Henri VI qui était à Rouen. Après avoir été à Calais pendant un certain temps, il a été amené à Rouen. Il y restera jusqu'à l'automne 1431. Il vivait dans le château de Rouen, château dans lequel Jeanne a été emprisonnée. Pour les Rouennais, c'était assez incroyable. Ils avaient un roi qui résidait dans leur ville. Ils étaient galvanisés par la présence de ce roi et par la présence des Anglais. Cet endroit est donc considéré comme sûr pour y organiser le procès, et les habitants sont même honorés que des affaires d'une telle importance soient gérées dans leur ville. C'est une récompense pour leur soutien, leur fidélité aux Anglais. Ils acceptent vraiment la domination anglaise à ce moment-là. Et il y avait peut-être une crainte que Paris ne soit pas un endroit sûr. Après tout, il y avait eu un siège là-bas, alors que Rouen était militairement bien mieux défendu. Hormis Paris et Rouen, aucune ville n'était à la hauteur pour qu'on y organise le procès. C'est plus facile de commémorer Jeanne à Orléans qu'à Rouen. Parce qu'à Orléans, c'est la Jeanne qui a délivré la ville, tandis que ici, nous l'avons livrée aux Anglais qui l'ont brûlée. Donc on a été un petit peu les complices du martyre de Jeanne. Et il n'y a pas de quoi être fier, évidemment. Et c'est pour ça que ce n'est pas très très facile de fêter ou de commémorer Jeanne d'Arc à Rouen. Donc aujourd'hui encore, oui, on n'a pas très très bonne conscience d'avoir laissé cette jeune fille qui avait fait un choix politique, puisqu'elle s'était engagée auprès du parti Armagnac qui soutenait le dauphin Charles, le futur Charles VII. Elle avait fait un choix politique. Et le procès qu'on lui a fait, qui était un procès en inquisition, mais qui était en réalité un procès politique. En fait, on poursuivait en justice quelqu'un qui avait soutenu le parti opposé à celui des Bourguignons, qui était plutôt favorable à un accord avec les Anglais. Donc Jeanne avait fait ce choix politique qui, en 1431, n'était pas le bon choix pour elle, en tout cas. Monseigneur l'évêque de Beauvais nous a envoyés vers vous pour vous annoncer la mort prochaine, et pour vous induire à vraie contrition et pénitence, et aussi pour vous ouïr en confession. Hélas, me traite-t-on ainsi horriblement et cruellement, qu'il faille que mon corps net et entier, qui ne fut jamais corrompu, soit aujourd'hui consumé et rendu en cendres? J'aimerais mieux être décapité 7 fois que d'être ainsi brûlé. J'en appelle devant Dieu, le grand juge, des grands torts et ingravances qu'on me fait. Jeanne s'avance à pas rapide vers le bûcher. Elle monte. On l'attache. On met le feu. Ça doit être vraiment horrible de mourir sur un bûcher, m'a dit ma femme, alors que je lui racontais où en était mon enquête. Et je me suis dit qu'il fallait que je sois cinglé pour tenter de me représenter une chose pareille. Il fallait être cinglé ou médecin légiste, comme Philippe Charlier. Jeanne d'Arc, c'est probablement la mort la mieux documentée de tout le XVe siècle. On a des dizaines de témoins au moment de son procès de condamnation d'abord, et ensuite de réhabilitation. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement détaillé, et on pourrait presque le reconstituer maintenant de façon à la fois historique et médico-légale. Ce qui est intéressant dans le cas de Jeanne d'Arc, c'est que c'est le corps d'une femme relativement frêle, et la mort a été assez facile à donner. En revanche, pour faire disparaître le cadavre, ce qui était la volonté délibérée du clan anglais, eh bien là, ça a été une autre paire de manches, et ça a été relativement difficile, puisqu'il a fallu faire 3 crémations successives. Alors je vous raconte un peu en l'espèce comment ça s'est passé. Elle est montée sur une estrade, et c'est pas un feu qui est organisé au niveau du sol. Ça veut dire qu'il y a une prise d'air, de façon technique, c'est assez intelligent. Il y a une prise d'air qui se fait par en dessous, puisque l'estrade est surélevée à Rouen, sur la place du marché. Et du coup, il y a une meilleure combustion du corps, meilleure combustion surtout du bois, etc. C'est pas juste du bois, il y a de la poix qui est rajoutée, c'est-à-dire une sorte d'huile extrêmement épaisse. On pouvait également rajouter un petit peu de soufre aussi pour accélérer la prise de feu. Quelque chose d'assez efficace. Jeanne d'Arc meurt assez vite, en somme. Elle est surtout intoxiquée, nous disent les récits, par les gaz, par les fumées, la fumée en elle-même, et également la privation d'oxygène, puisque tout l'oxygène est utilisé par le feu lui-même. Seule, nous disent les témoins, les extrémités de ses mains et de ses pieds étaient brûlées. La robe également qu'il a cachée a brûlé, et tout le monde est capable de se rendre compte que Jeanne d'Arc est une femme d'abord, et par ailleurs une fort jolie femme, nous dit-on. Et là, fut bientôt atteinte, et sa robe toute arse, et puis fut le feu tiré arrière, et fut vue de tout le peuple, toute nue. Et tous les secrets qui peuvent être ou doivent être en femme pour ôter les doutes du peuple. Et quand ils eurent assez et à leur gré vu toute morte liée à la tâche, le bourreau remit le feu grand sur sa pauvre charogne qui tantôt fut toute comburée et os et chair mis en cendres. Le journal d'un bourgeois de Paris. Ensuite, les Anglais avaient pour volonté de vraiment détruire tout ce qui restait du corps pour ne pas qu'il y ait de reliques, de restes qui puissent être utilisés autant comme souvenirs historiques, souvenirs à visée politique aussi, mais aussi à vocation magico-religieuse. Et du coup, ils vont demander une deuxième crémation au bourreau. Le corps est laissé sur le poteau auquel il était attaché. C'est un poteau qui n'est pas un poteau en bois, c'est un poteau en plâtre auquel le corps était ligoté. On rajoute un petit peu de poids, un petit peu de soufre, et puis on remet une deuxième action du feu. Le corps va être en grande partie altéré, les 4 membres vont disparaître, il ne va rester que le tronc, ce qu'on appelle la brouille à l'époque, c'est-à-dire c'est un terme de boucherie qui signifie les entrailles, les restes humides propres à l'intérieur de la cavité de l'organisme. Et on constate quelque chose d'assez particulier, on constate, paraît-il, que le cœur bat encore. Alors ça, c'est considéré à l'époque comme quelque chose de relativement miraculeux. En médecine légale, on connaît ce type de choses. En fait, ce n'est pas du tout des contractions cardiaque classique et efficace. Ce sont simplement des petites contractions localisées du myocarde, donc le muscle du cœur, qui sont liées à l'excitation par le feu, rien d'autre. Malgré tout, c'est considéré, sans faire de jeu de mots, on fait un peu feu de tout bois, et c'est considéré comme étant un signe de miracle. Ensuite, on demande un troisième et dernier feu, on recouvre à nouveau avec de la poix, avec du soufre, et là, cette fois-ci, il ne reste absolument plus rien du tronc de Jeanne d'Arc, seules quelques cendres qui sont récupérées par le bourreau, mises dans une sorte de caissette ou de panier en osier. Ensuite, le bourreau, de façon très processionnaire, descend jusqu'à la Seine, pas très loin, sur un pont de bois, où il va disperser ses cendres. Si on a envie de faire un petit peu d'humour noir, eh bien avec les courants, on va dire que les cendres de Jeanne d'Arc sont allées dans la Manche, puis sont allées s'échouer sur les côtes d'Angleterre pour narguer nos amis anglais pour l'éternité. Aujourd'hui, il ne reste donc rien, ou presque, place du Vieux Marché. Un peu perdu, cherchant un saint ou à défaut un historien à qui me vouer, je me tourne vers Henri de Caen, qui a, lui, les yeux levés au ciel. Près de l'endroit du bûcher, il y a une très très grande croix qui doit faire 20-25 mètres quand même. Donc, on le voit. Mais, en 1979, on a demandé aux archéologues de fouiller l'emplacement. Et les archéologues ont retrouvé le sol du Moyen-Âge avec une sorte de chemin empierré. Et sur ce chemin, il y avait même des traces des roues des charrois qui prenaient la rue Cauchoise, qui part dans la direction ouest, vers la porte Cauchoise. Mais ce sol du Moyen-Âge, il a disparu il n'y a pas très très longtemps, parce que les jardiniers de la ville de Rouen étaient assez surpris de voir des cailloux au milieu d'une plate-bande, donc avec beaucoup de bonne volonté. Ils ont tout supprimé, ils ont gommé ce seul souvenir du niveau du sol du Moyen-Âge qu'a foulé sans doute Jeanne d'Arc. Lorsque le sculpteur Réal Delsart obtient après la guerre de 14-18 la commande d'un monument à la victoire, aujourd'hui place Carnot à Rouen, il fait don, en remerciement à la ville, d'une statue libidineuse aux lèvres pulpeuses représentant Jeanne pour la place du Vieux Marché. Réal Delsart, fasciste? Et comment? L'un des bronzes du piétement de son monument à la victoire représente Maurras. Pas très elle. Alors, il y a effectivement, pas très loin de l'endroit du bûcher, une statue du sculpteur Maxime Réal Delsart, qui était plutôt politiquement classé à droite, puisqu'il était membre de l'Action française, et qui a réalisé plusieurs statues de Jeanne. Et comme la ville de Rouen ne s'intéressait pas beaucoup à son travail sur Jeanne, il a offert cette statue à la ville. C'est une assez belle statue qui montre Jeanne sur son bûcher. C'est pas la Jeanne victorieuse d'Orléans, c'est la Jeanne sur le point de mourir. Et là, vous croyez qu'au pied de cette statue, dans le socle, là où il y a cette jardinière avec quelques petites fleurs, il y a véritablement la terre du bûcher de Jeanne d'Arc, Henri de Caen? Il y a sans doute un petit peu de terre du bûcher, mais ce n'est pas très très important. En fait, les cendres de Jeanne ont été jetées à la Seine. Les Anglais voulaient surtout éviter qu'on puisse venir se recueillir à l'endroit où se trouvaient ses restes. Et donc, tout a été jeté à la Seine. C'est pour ça que le jour des fêtes Jeanne d'Arc à Rouen, on va jeter quelques fleurs dans la Seine. Sur le chemin qui mène de la place du Vieux Marché jusqu'à la Seine, se trouve l'archevêché. C'est là que m'attend, en sandales et un léger sourire au coin des yeux, Monseigneur Dominique Lebrun, de retour dans sa ville natale. Je suis un peu triste, en revenant à Rouen, de voir des fêtes Jeanne d'Arc un peu confidentielles. Voilà. Ici, c'est empreint de gravité. On peut comprendre, au fond, que les fêtes Jeanne d'Arc ne soient pas les mêmes à Don Rémy, à Orléans, à Compiègne, à Reims et à Rouen. Puisque de fait, Rouen, c'est le lieu du drame, c'est le lieu de la complicité, probablement, de ces Normands occupés, et donc peut-être plutôt favorables à la condamnation de Jeanne d'Arc, en tous les cas, d'après ce que mon prédécesseur m'a dit, qui a un peu fouillé les affaires, qu'on ne sont pas révoltés contre la condamnation de Jeanne d'Arc, et son procès de réhabilitation n'a peut-être pas soulevé non plus l'enthousiasme des foules ici à Rouen. Alors, j'ai un vrai souvenir du défilé des corps constitués. En fait, moi, j'allais voir mon papa. Mon papa, qui était magistrat, défile comme les autres corps constitués, en robe. Moi, j'ai le souvenir de la tour Jeanne d'Arc qui est en haut de l'avenue, et puis ils descendent, et je me hisse sur les épaules de mon frère pour regarder papa descendre une Jeanne d'Arc. Mon père est décédé quand j'avais 13 ans, donc c'est l'âge que Jeanne d'Arc a, quand elle commence à avoir ses premières voix pour comprendre qu'elle avait une mission à accomplir. Et c'est à cet âge-là que la mort de mon père me relie au ciel, où depuis je suis absolument certain que le sens de ma vie, c'est de rejoindre mon père, qui est déjà dans la vie éternelle. Et donc j'aime chez Jeanne d'Arc, en quelque sorte, cette confirmation que le croyant, c'est celui qui a bien les pieds sur terre, qui a une mission à accomplir, qui peut être une mission de combat, qui peut être une mission difficile, qui peut être un échec. C'est un autre visage de la vie de Jeanne d'Arc qui aussi me travaille. C'est qu'au fond, elle a eu quelques succès, puis elle a eu pas mal de revers quand même, hein, jusqu'à évidemment être brûlée vive ici à Rouen. Nous arrivons au bas de la rue Jeanne d'Arc, sur les berges de la Seine. C'est là que s'est terminée la vie, le destin de Jeanne d'Arc. Chaque année, lors des fêtes Jeanne d'Arc de Rouen, on jette des fleurs dans la Seine en mémoire de ces cendres de Jeanne d'Arc dispersées jadis. Comment est-ce que vous percevez ce geste, vous qui êtes à la fois poète et iconoclaste, Elio Sazoulay? Vous disiez c'est là que tout a terminé et que la destinée de Jeanne d'Arc s'achève. En même temps, c'est là que tout commence, hein. C'est-à-dire qu'une fois... Vous savez, tous les fleuves vont à la mer et la mer n'en regorge point. C'est-à-dire que le petit tas de cendres de Jeanne d'Arc, si c'est bien le cas, donc a été jeté dans la Seine. Et c'est là que tout commence. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on jette des fleurs. Mais alors c'est très curieux cette question de jeter des fleurs. Planterait-on des fleurs dans la cendre? C'est pas mal ça, cette question-là. Et finalement, c'est peut-être la seule chose qu'on a à faire, c'est peut-être de balancer des fleurs dans la Seine en espérant qu'elles vont elles aussi vers l'océan. Voilà. Et les morts sans sépulture, voilà Jeanne d'Arc. Et voilà, c'est le silence de plus. C'est-à-dire que vous avez non seulement la mort qui est le silence définitif, vous comprenez ? Vous avez la mort qui est ce silence que nulle parole ne peut remplir sans en dire une connerie. Et vous avez justement, et vous avez Jeanne d'Arc, mort sans sépulture. Finalement, mais écoutez, plutôt que d'avoir un petit bout, vous savez, comme vous avez des reliques de partout, où finalement Saint-Jean ou Saint-Machin, ils ont 25 doigts de pied, 14 mains, et c'est vrai, hein, je ne dis pas des bêtises, hein, les morts sans sépulture. Philippe Charlier, il y a quelques années, de façon extrêmement officielle et professionnelle, vous avez été invité à mener une étude scientifique, à une analyse des prétendues reliques de Jeanne d'Arc. Comment se présentaient ces reliques ? C'était un vase en verre, malheureusement brisé, qui est conservé au musée des Amis du Vieux Chinon, à Chinon. Et en fait, j'avais découvert son existence parce que juste à côté, sur le présentoir, il y avait une mèche de cheveux d'Agnès Sorel. Et travaillant à l'époque sur Agnès Sorel, j'avais eu connaissance de ce bocal. Je m'étais dit, tiens, on va le garder pour plus tard, c'est assez intéressant. Sur le couvercle de ce bocal, il y avait une inscription assez intéressante. « Reste trouvé sous le bûcher de Jeanne d'Arc, pucelle d'Orléans ». Le « sous le bûcher » était intéressant parce que ça collait vraiment à la vérité historique ou archéologique, qui était celle de ce bûcher surélevé, qui était le cas à Rouen lors de son exécution. Et donc du coup, dans ce bocal était à l'origine contenue une côte humaine, ça se voit assez vite à l'œil nu, recouverte d'une sorte de gangue noirâtre. Il y avait également des fragments de textile d'aspect noirâtre, on pourrait croire à première vue qu'ils étaient brûlés. Il y avait aussi des tout petits fragments centimétriques qui, eux, correspondent soi-disant à des charbons. En fait, c'est pas si simple que ça. Et puis un os animal qui, lui, est l'os d'un fémur de chat. Ça aussi, on le voit très vite, même si on est plutôt habitué à des chats vivants qu'à des chats empaillés ou squelettisés. On a procédé à une étude médico-légale de l'ensemble de ces différents échantillons que les Amis du Vieux Chinon avaient segmentés en divers contenants. C'étaient des restes qui anciennement étaient présentés à la vénération des fidèles dans une église de Chinon. Ils portaient tous d'ailleurs encore le sceau de l'archevêché. Depuis, ils avaient été relégués, si on peut dire, à des réserves, puis ensuite au musée des Amis du Vieux Chinon. On a donc procédé à cette étude munie de toutes les autorisations d'usage de l'Église, y compris avec autorisation de destruction partielle, parce qu'il fallait faire des prélèvements pour faire un petit peu de datation carbone 14, examiner aussi un tout petit peu au microscope électronique à balayage. En fait, ce qu'on a fait comme étude, c'est tout simplement le même type d'examen qu'on aurait fait pour des résidus biologiques retrouvés dans le coffre d'une voiture, dans un crime, une carbonisation criminelle ou accidentelle. C'est exactement la même méthodologie médico-légale, mais appliquée à des restes archéologiques. Est-ce que vous nous feriez la liste simplement détaillée et technique, justement, des outils et des analyses que vous avez menées, pour qu'on profite d'être avec un homme de l'art ? Le premier examen qu'on fait, c'est qu'on utilise nos yeux. On regarde à quoi correspondent ces ossements, ces éléments. Ensuite, on grandit un tout petit peu notre organe avec la loupe binoculaire. Ensuite, on peut descendre jusqu'au microscope optique et ensuite le microscope électronique à balayage. Ça nous permet au fur et à mesure de grandir notre angle de vision. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que c'était bien une côte humaine, mais que ce qui la recouvrait, ça n'était pas du tout des résidus de crémation, de carbonisation. Il n'y avait pas eu d'élévation thermique. Aucun de ces restes n'avait été passé au feu, mais en fait ils étaient tous recouverts par une petite gangue de bitume, c'est-à-dire du pétrole sous sa forme visqueuse, quasiment solide, et c'est exactement ce qu'on observe sur des restes égyptiens anciens. Même chose pour les pseudo-charbons, qui en fait n'étaient pas du tout des charbons en rapport avec la carbonisation, mais qui étaient des blocs de bitume, tels qu'on peut en trouver associés à des momies. L'examen microscopique nous a permis de retrouver énormément de pollen qui était originaire du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. La datation au carbone 14 nous a donné une datation bien plus ancienne évidemment que le 15e siècle. On avait des restes, alors non pas sur le bitume qu'on a daté, mais sur l'os. Eh bien on a daté ces restes du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que ça correspondait à des fragments, tout bonnement, de momies égyptiennes, humaines, et de momies de chats, car le fémur de chat n'était pas un chat européen, mais un chat proche oriental, vraisemblablement égyptien lui aussi. Eh bien, ces restes étaient ceux de momies égyptiennes qu'on utilisait couramment dans la pharmacopée, c'est-à-dire les apothicaires, l'équivalent des pharmaciens à l'époque, au XIXe siècle, utilisaient très souvent la mumia, c'est-à-dire des morceaux de momies humaines ou de momies animales provenant d'Égypte. Il paraît que c'est utile pour arrêter les saignements massifs, comme par exemple les hémorroïdes qui saignent, comme par exemple les règles qui durent trop longtemps, chez les femmes bien sûr, ou les saignements de nez. J'ai pas testé, mais... C'est quelque chose qui a été au catalogue des pharmacopées occidentales jusque dans les années 1930-1940. Il faut comprendre qu'on est au XIXe siècle lorsque ces reliques apparaissent, entre guillemets, de façon quasiment miraculeuse, si on peut dire. On est aux alentours des années 1865, et c'est un apothicaire, Tourlet, qui, lors de la destruction de l'immeuble dans lequel il habite, pour ce qui va donner plus tard la place de la République, découvre, soi-disant, ce bocal, non pas dans le plafond, mais dans le grenier. Et il l'apporte dans le procès de béatification qui se déroule à Orléans. Il faut bien comprendre que dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, Jeanne d'Arc est disputée entre trois clans politiques ou religieux. L'Église, d'abord, bien sûr, qui l'a réhabilitée plusieurs années après sa mort. Il y a également l'extrême droite, déjà, qui la considère comme, on va dire, une force vive contre les envahisseurs, quels qu'ils soient. Et puis, il y a également l'extrême gauche qui, elle, la revendique parce qu'on considère surtout une extrême gauche qui est anticléricale. Évidemment, comme elle a été d'abord abandonnée par l'Église, abandonnée et faite brûler par elle, car l'Église déteste la vue du sang, bien sûr, elle n'exécute pas, et bien du coup, l'extrême gauche essaye de la récupérer. Et en gros, c'est quasiment le premier qui va apporter du palpable sur la table, un peu comme au poker, qui va remporter la mise. Et bien, grâce à cet apothicaire, Tourlet, il va y avoir du palpable, enfin, qui va survenir, des restes. On sait maintenant que les restes sont faux, bien sûr, mais on imagine maintenant que c'est Tourlet qui est lui-même à l'origine de ça. D'abord, de la mumia, eh bien, on en trouve dans la pharmacopée, et Tourlet en a certainement dans sa pharmacopée, dans son apothicairie. Par ailleurs, l'étude graphologique semble montrer que c'est une imitation 19e siècle d'une écriture archaïque plus ancienne du 16e, 17e siècle. Donc là, on est vraiment dans un faux à la fois dans l'intérieur du bocal, mais aussi sur l'équivalent d'une authentique, si on pouvait parler de relique, c'est-à-dire cette inscription sur le couvercle qui attribue ses restes à Jeanne d'Arc. Vraisemblablement, sans vouloir attenter à la mémoire de mon collègue et néanmoins cher confrère Tourlet, je pense que c'est lui qui a fait le coup. C'est peut-être lui qui a changé la face du monde, c'est peut-être sur un faux historique que Jeanne d'Arc est devenue Sainte Jeanne d'Arc. Et vous avez été jusqu'à embaucher pour ces analyses, les analyses de ces prétendues reliques de Jeanne d'Arc. Philippe Charlier, vous êtes allé jusqu'à recruter d'étranges, non pas mercenaires, mais d'étranges camarades d'enquête. Je m'étais rendu compte en ouvrant des sépultures en Grèce quand j'étais beaucoup plus jeune. À l'époque, j'étais... Profanateur de sépultures ? Pas profanateur de sépultures, j'étais fouilleur officiel pour l'école française d'Athènes, en l'occurrence sur un chantier de fouilles qui s'appelait Itanos en Grèce, en Crète. Et à l'ouverture de certaines de ces sépultures, il y avait une odeur extrêmement forte qui en sortait, qui n'était pas du tout une odeur de putréfaction, décomposition, mais un peu comme une odeur de parfum. Alors au début, je me suis pincé, j'ai cru que c'était ma voisine, mais non, ça sortait vraiment de la tombe et c'était extrêmement fugace. Du coup, ensuite, en travaillant sur des reliques, j'ai eu envie de travailler avec des nez de parfumeurs, que ces nez soient présents au moment même de l'ouverture pour dire, non pas comme moi, ça sent le parfum, ou ça sent la cuisine, ou ça sent quelque chose de fort, mais qu'ils me disent de façon extrêmement précise, ah oui, ça sent le benjoin, ça sent l'aloès, ça sent l'encens de Yémen du Sud, ou ce genre de choses. Ce sont des nez qui sont vraiment des nez professionnels, avec une précision qui est extrême. Et du coup, Jean-Michel Durier, qui travaillait pour Jean Patou et Rochas, et Sylvaine de la Courte, qui est le nez de Guerlain, étaient là, présents à l'ouverture des reliquaires de Jeanne d'Arc, dit de Jeanne d'Arc, et ils ont sniffé, littéralement, ces reliques, et ils ont fourni des informations extrêmement importantes, notamment ils ont senti une odeur de vanilline, c'est-à-dire le principe actif, une des protéines libérées par la vanille, qui donne justement cette odeur extrêmement forte. Alors, De façon pragmatique, c'est une odeur de putréfaction qui sent bon pour nous, mais c'est quand même une odeur de putréfaction avant tout. Ce qui était un signe extrêmement important, c'est une odeur que normalement on n'aurait pas dû sentir sur des restes soumis à une carbonisation, à une crémation. Du coup, ça signifiait que ces restes étaient totalement compatibles avec des restes embaumés. L'embaumement ne protège pas de la décomposition en profondeur, ni même de la putréfaction, surtout quand ces restes sont sortis de leur environnement d'origine. L'environnement d'origine, c'est une région désertique, c'est l'Égypte, mais là, ils étaient à distance, en l'occurrence, ils étaient revenus en Europe, dans un environnement humide, et à terme, ces restes, on le sait, vont s'altérer, se décomposer et se pulvériser. Jeanne, pulvérisée, est toujours insaisissable. Après avoir écumé les rues de Rouen et sondé les remous de la Seine, écouté les historiens et les historiennes, j'ai alors décidé de faire comme Philippe Charlier et de m'en remettre à des nez. Ceux de la grande parfumeuse Mathilde Laurent et de sa complice, l'historienne Elisabeth de Feydeau, que je suis allé consulter, le cœur plein d'espoir, comme on se rend chez une diseuse de bonne aventure. Quand on parle de l'odeur de boue, de l'odeur de tranchée ou de champ de bataille, de l'odeur de son cheval, de son armure qu'elle portait en permanence, et qu'on les sent par l'évocation olfactive, en fait, on prend beaucoup mieux la mesure en fait de son courage, de ce qu'elle a accompli, de ce qu'elle a subi aussi quand on parle du bûcher. Donc je trouve que c'est très fort en fait de l'avoir vécu comme ça. Voilà, ça met en fait de l'instinct, de la viscère dans une histoire qu'on peut pas vivre si on ne fait que la lire en fait. Alors que là, on la vit. C'est vrai qu'on n'a aucune relique d'elle. On ne sait pas où. Il n'y a pas de tombe non plus. Et elle peut être. On peut imaginer qu'elle est en même temps partout et que son odeur se répand. Voilà, elle nous entoure. Ce serait peut-être la seule chose qui nous reste d'elle, ce serait peut-être une odeur qui aurait pu être la sienne. Et quoi ? Jeanne d'Arc à jamais sans visage et sans sépulcre ? Son hypothétique parfum évaporé dans l'air ? Pouvais-je en rester là ? Certains, en tout cas, ne s'y résolvent pas. Ils veulent croire qu'il demeure quelque chose d'elle, quelque chose de tangible. Et ce n'est pas à Rouen qu'ils le vont chercher, mais en Vendée, où Jeanne est ressuscitée et mise en scène. Et où, ô miracle, c'est là que l'on peut désormais se recueillir sur la seule et unique relique de Jeanne d'Arc. Un anneau d'or qui vient d'être exhumé et que Nicolas de Villiers a arraché de haute lutte aux perfides Anglais. Il y a quelqu'un en approche ? Oui, là-bas, un chevalier au galop. Avec des léopards anglais sur le caparaçon ? Non, j'aperçois des fleurs de lys. Alors c'est du moi, le seigneur de Vouvant. Il vient chercher du renfort. Quoi ? Du renfort ? Ma petite Marguerite, c'est la guerre. Les Anglais, nous sommes envahis. Ce sont les dernières heures de la paix. Ah, messire de Vouvant, soyez le bienvenu. Que puis-je faire pour vous ? Nous confier vos escaladeurs de murailles du Puy du Fou pour aller délivrer Orléans. La situation est-elle si grave ? Hélas, la France est presque perdue. Qui vous envoie ici ? Une jeune fille de 18 ans. Elle vient du village de Don Rémy. Ah, c'est elle ? La fameuse Lorraine qui a entendu des voix ? Oui. Le ciel lui a donné mission de sauver le royaume. Avec l'anneau qu'elle a reçu de ses parents, elle a touché la main de Sainte Catherine. Et sa lance fait des prodiges. Je veux aller la rejoindre à Orléans. Il vous suffira de l'attendre ici. Je lui ouvre le chemin. Elle va venir ce soir pour faire étape au Puy du Fou. Tour de garde ! Levez les fleurs ! Thank you. D'abord, le Puy du Fou, c'est le parc du légendaire français. C'est-à-dire que nous ne prétendons pas nous inspirer de l'histoire de France pour la restituer telle qu'elle. Nous prétendons, à la façon d'un poème, écrire des histoires avec un petit H qui sont inspirées de la grande histoire, mais qui sont à chaque fois des romans historiques. Et donc, la plupart de nos personnages sont inventés, mais ils sont inventés un peu comme en son temps Alexandre Dumas le faisait, c'est-à-dire d'une telle façon qu'ils entrent dans la légende avec les personnages ayant réellement existé. Qui êtes-vous, jeune pastourelle ? Je suis Marguerite. Le chevalier Fulgent vous attend pour vous remettre son escorte de cavaliers. Veuillez me suivre. Jeanne, voici nos cavaliers escaladeurs de murailles. Je choisirai les meilleurs. C'est comme ça que, par exemple, le spectacle du Secret de la Lance, dans lequel Jeanne d'Arc fait une apparition, a été écrit. Et donc, nous donnons finalement la première place à une héroïne qui s'appelle Marguerite et qui n'est pas un personnage ayant forcément existé. Mais la force du Puy du Fou et des histoires que nous racontons dans nos spectacles, c'est que finalement, on ne sait plus vraiment faire la différence entre la légende et l'histoire. Vous savez, c'est ce que Victor Hugo disait dans son livre 1793, et c'est marrant parce qu'il le disait à propos de la Vendée, donc c'est une coïncidence qui nous va bien. Il disait « La Vendée ne peut être complètement expliquée que si la légende complète l'histoire, il faut l'histoire pour l'ensemble et la légende pour le détail. » Et cette définition, eh bien, je l'emprunte volontiers à Hugo pour définir un peu le Puy du Fou. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le lien très particulier qui nous a été, un peu donné, offert par les circonstances entre la Jeanne d'Arc réelle, historique, et la Jeanne d'Arc de la légende, c'est effectivement l'anneau de Jeanne d'Arc, puisque l'anneau, nous avons eu l'occasion de l'acquérir et de le ramener en France après 600 ans d'exil en Angleterre. C'est une histoire absolument incroyable. Donc c'est ça qui a amené ce petit morceau de Jeanne d'Arc ici au Puy du Fou et qui fait que ça donne peut-être encore davantage de force à l'un de nos spectacles, ce spectacle qui s'appelle Le Secret de la Lance et qui effectivement évoque ce personnage historique incroyable. Prends la lance ! Prends la lance ! Libère le donjon ! Le feu sacré ! Allez, Marguerite ! Nous sommes un mercredi soir de février et un monsieur qui nous connaît nous appelle en nous disant « Écoutez, l'anneau de Jeanne d'Arc va être en vente vendredi, donc vous voyez, 48 heures plus tard, dans une grande maison de vente aux enchères anglaises à Londres. J'ai envoyé sur place, moi, à la fois un avocat et un médiéviste pour faire des photos de l'anneau, pour le voir, pour analyser les documents qui accompagnaient l'anneau. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il s'agissait d'une pièce qui, visiblement, était authentique. » Et donc on a à ce moment-là, on s'est inscrit à l'enchère, mais via un avocat londonien, un avocat français mais basé à Londres, sans se dévoiler. Dans un premier temps, nous sommes restés discrets au début de l'enchère, et puis lorsque nous avons vu que l'enchère commençait à s'épuiser, nous sommes sortis du bois, si vous me passez l'expression, et nous avons pu remporter l'enchère. Pour cela, nous avions fait appel, dans ces 48 heures de préparation, à de nombreux donateurs, très divers. Le feu sacré, le donjon, le feu sacré. Par une chaîne d'appels qui s'est organisée d'elle-même, il y a des donateurs qui ont donné 10 euros, d'autres donateurs qui ont donné 50 000 euros. Et de cette façon-là, nous avons pu acquérir l'anneau à près de 400 000 euros. Donc c'est une somme très importante. Je sentais que les historiens anglais allaient s'emparer du sujet, apprenant qui était derrière ce fameux avocat mystérieux. Quand ils ont su que c'était finalement un privé, ils nous ont fait savoir, et notamment le Conseil national des arts anglais, qu'ils souhaitaient d'abord analyser l'anneau. Donc je suis, moi, parti avec un petit avion récupérer l'anneau très rapidement. Dans la mesure où nous avions versé les fonds, j'ai pu le récupérer instantanément. Nous sommes repartis avec l'anneau en France. Et là, le Conseil national des arts s'est aperçu que nous avions récupéré notre bien, ce qui était devenu notre bien, et il nous a demandé de le rapatrier en Angleterre pour analyse en disant « c'est un bien qui est un bien national pour l'Angleterre et qui donc ne peut pas quitter le sol sans un certain nombre de dispenses. » Donc Voilà, c'est impossible que vous puissiez acquérir cet anneau dans ces conditions-là. J'ai écrit à la reine d'Angleterre, comme on jette une bouteille à la mer, sans savoir si nous allions avoir la moindre réponse. Mais très rapidement, Buckingham Palace m'a répondu, une lettre extrêmement courtoise, me disant que la reine avait bien pris connaissance de cette lettre, de ma lettre, et que elle n'avait pas un pouvoir politique pour intervenir dans des choses normalement d'ordre politique, mais qu'en l'occurrence, elle ferait savoir qu'elle souhaite assez naturellement que cet anneau revienne à la France. Et nous avons donc, à ce moment-là, reçu un appel du Conseil national des arts et des institutions en charge de ce fameux bien national qui nous ont dit « Nous abandonnons toute forme de poursuite et nous vous laissons l'anneau » et tout à coup, nous étions dans la plus parfaite légalité. Comme quoi, il suffisait simplement de se battre au bon niveau et de faire savoir que nous n'avions pas l'intention, nous, Français, de laisser l'anneau repartir une seconde fois en Angleterre. Je suis là, je suis là, dans le donjon. En passant par la salle des gardes et jusqu'à la chapelle, où est exposé son anneau, rapatrié en France au printemps dernier, ramené chez nous par le puits du feu. Sa présentation dans cette chapelle est provisoire. Il sera bientôt exposé dans une chapelle reliquaire spécialement construite pour l'abriter à l'extérieur du grand parc. Nous entrons dans le château du Puy-du-Fou, qui est un château qui est un château 16e siècle. C'est l'un des rares monuments, finalement, qu'on peut rencontrer au Puy-du-Fou, l'un des rares décors qui n'est pas été construit par nous, mais qui est un décor hérité de l'histoire. Et dans la petite chapelle du château, nous avons installé là, effectivement, l'anneau dans une verrière adaptée pour que il soit à l'abri de toute forme de convoitise. Mais enfin, en tout cas, il est présenté de belle manière sur un coussin et il est éclatant et il est un élément assez spectaculaire pour les visiteurs qui, parmi nos visiteurs, prennent la dimension finalement du caractère hautement symbolique de cet objet historique. Un grand mystère veut que l'anneau de Jeanne d'Arc nous soit parvenu. Et vous allez le voir comme je vous vois. Derrière cette cheminée, dans la chapelle de ce château, sur le maître-autel, l'anneau authentique de Jeanne d'Arc vous attend. Je vous en prie, entrez dans ce lieu de recueillement. N'avez-vous pas certains anneaux ? Vous, évêque, vous en avez un à moi, rendez-le-moi. Les Bourguignons ont un autre anneau. Mais montrez-moi cet anneau si vous l'avez. Qui vous donna l'anneau qu'ont les Bourguignons ? Mon père ou ma mère. Il me semble qu'il y avait écrit Jésus-Maria. Je ne sais qui les fit écrire, et il n'y avait pas de pierre à ce qu'il me semble. Et l'anneau me fut donné en la ville de Domremy. Mon frère me donna un autre anneau, que vous avez, et que je vous charge de donner à l'église. De quelle matière était votre anneau où il était écrit Jésus-Maria ? S'il est d'or, il n'est pas de fin or. Je ne sais si c'était or ou laiton. Je pense qu'il y avait trois croix et aucun autre signe que je sache. Pourquoi regardiez-vous volontiers cet anneau quand vous alliez en guerre ? Par plaisance et par l'honneur de mon père et de ma mère. Et moi, ayant mon anneau en main et en mon doigt, j'ai touché à Sainte Catherine qui m'apparut en vision. Oui, alors c'est un anneau qui correspond effectivement à la description que Jeanne d'Arc en fait dans son procès. Il est donc dans une matière qui est de l'argent d'abord, il est couvert d'or, parce que Jeanne dit d'ailleurs il n'est pas d'or fin, ça veut dire il est d'or mais il n'est pas de fine or, ça veut dire il n'est pas d'or pur, d'or massif, il est plaqué or, et l'expression est claire dans le texte du procès, et il comporte donc les signes qui veulent dire Jésus Maria, ce qui se prononce à l'époque Jésus Maria, et ensuite trois petites croix qui signalent un clin d'œil à la Trinité, voilà. En tout cas, Jeanne fait état de ses croix dans son procès aussi, donc elle a décrit précisément cet anneau. Alors évidemment, cet anneau, il a été un petit peu retouché à un moment donné par l'un de ses propriétaires qui a voulu l'élargir pour le porter au doigt, alors que c'était un homme, donc évidemment l'anneau, on voit très nettement d'ailleurs les césures qui permettent de voir cet élargissement de l'anneau. Et il a été expertisé, il a été passé au rayon X, expertisé par plusieurs experts évidemment médiévistes aux quatre coins de la France. Il a été passé au rayon X en Angleterre d'abord et ensuite en France. Et donc voilà, aujourd'hui, on est bien en présence d'un anneau du XVe siècle qui correspond précisément à la description que Jeanne en fait, qui a fait l'objet par ailleurs de copies en Angleterre, notamment au XIXe siècle, qui montre que cet anneau avait un véritable intérêt historique, puisque déjà au XIXe, la reine Victoria en Angleterre considère que c'est l'anneau de Jeanne d'Arc. Elle hésite à en faire cadeau à la France. Finalement, elle ne le fera pas. Et c'est seulement beaucoup plus tard que l'anneau sera récupéré par notre action. Donc, vous voyez, c'est une histoire assez étonnante. Il n'y a strictement aucun portrait de Jeanne d'Arc. Il n'y a aussi aucun objet ayant appartenu à Jeanne d'Arc qui existe. Il y en a eu dans les collections d'Anne de Bretagne, par exemple, il y a une épée. L'armure déposée à Saint-Denis a bien dû atterrir quelque part. Et ces cendres ont été jetées à la Seine justement pour éviter un culte ou une utilisation de sorcellerie. Et puis, donc ça fait des reliques qui sont impossibles, mais très régulièrement, l'idée qu'une relique de Jeanne d'Arc réapparaît refait surface. Donc, les gens veulent absolument voir, comme à l'époque médiévale, il fallait voir les saints, les entendre, toucher. C'est un peu normal que la religion ait cet aspect sensuel, pratique, si vous voulez. Donc malheureusement, pour Jeanne d'Arc, la relique est impossible, même si on s'efforce toujours d'en inventer. Alors cet anneau est un anneau extrêmement important, à supposer que ce soit l'anneau de Jeanne d'Arc, évidemment. Jeanne d'Arc a eu plusieurs bagues, et les bagues jouent un rôle dans le procès. C'est pour ça que c'est pas totalement dénué d'intérêt. Il y a une bague en or qu'elle achète pour envoyer à la femme du Guesclin. Et elle est, on la connaît celle-ci. Elle a disparu depuis, mais on a une lettre qui prouve son existence. Il y a aussi un anneau d'argent que lui ont donné ses frères, qui était aux mains des Bourguignons. Il y a aussi un autre anneau que lui ont donné ses parents, et c'est celui-là qui ressemble à celui du Puy du Fou. C'est un anneau d'argent doré, sur lequel il y avait des croix et marqué Jésus Maria. En gros, c'est à peu près tout ce qu'on en sait. Alors, ça joue un rôle important dans le procès. Parce que les juges sont persuadés que cet anneau est un anneau magique. Voyez, et que dans cet anneau, il y a un démon familier. Alors, bon, vous n'avez pas de démon familier dans vos bagues, mais depuis à l'époque médiévale, on avait déjà soupçonné, dès le début du XIVe, un pape d'avoir un démon familier parce que à chaque fois qu'il avait à faire une réponse, il faisait ça, il mettait sa main comme ça à côté de son oreille et il écoutait l'anneau qui lui dictait la réponse, après quoi il répondait. Et Jeanne d'Arc aurait fait ça et donc elle avait toujours son démon familier qui lui soufflait les réponses. Et donc, ça joue un rôle dans l'accusation de sorcellerie. Or, cette bague qui est réapparue récemment est probablement effectivement une bague du 15e, ça semble être vrai, en argent doré, oui, avec des croix, oui, et avec Jésus-Maria, oui, ça peut à la rigueur être Jésus-Maria. Bon. Mais Il faut dire que ce type de bijoux de dévotion est assez courant. Il n'y a pas que Jeanne d'Arc qui porte ces trucs-là. Tous les proches des franciscains portent ce genre de choses. Donc, c'est la bague de Jeanne d'Arc ou bien de quelqu'un d'autre, ça, il n'y a absolument pas moyen de savoir. D'autant que le dossier qui va avec, lorsque la bague a été vendue aux enchères, il y a un dossier qui va avec, est un dossier extrêmement peu satisfaisant. D'abord parce qu'ils se trompent sur la façon dont les bagues sont entrées aux mains des Anglais. Au début, c'est complètement faux, c'est pas possible, on sait où ces bagues sont passées, et c'est pas ça. Et ensuite, pour prouver la traçabilité de la bague à travers les siècles, ils se contentent de la généalogie d'une grande famille anglaise qui l'aurait reçue en 1500 et l'aurait eue pratiquement jusqu'en 1900. Après 1900, évidemment, on sait à qui elle appartient. Ça, c'est parce qu'elle est passée plusieurs fois en salle des ventes, donc on sait exactement à qui elle est. Bon, le problème, c'est que, voilà, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. C'est une bague du 15e, probablement, de Jeanne d'Arc ou de quelqu'un d'autre. Mais le besoin de reliques est très fort, vous savez. L'anneau en question est connu depuis 1914. Il apparaît pour la première fois dans un journal de Rouen mentionné comme étant au doigt d'un Anglais. On sait maintenant que cet Anglais est un peintre, Augustus John, que l'anneau lui a été donné par sa maîtresse. Et on sait que dans les années 50, cet anneau était aux mains d'un docteur Hasson. Il était un Anglais mais qui avait aussi une maison de campagne en France et qui... à mon avis, était un petit peu mythomane et a raconté, a donné plusieurs versions de la façon dont cet anneau aurait pu être celui de Jeanne d'Arc et aurait pu arriver jusqu'entre ses mains. Enfin, des histoires très contradictoires. Un coup, il le faisait appartenir à une famille écossaise. Un coup, il le faisait passer entre les mains de Henri VI, Henri VII. Enfin, et puis là, le dernier rebondissement, ça aurait été donné par Jeanne d'Arc au cardinal de Beaufort, qui est là à Rouen pendant son procès. Mais le problème, c'est qu'en réalité, les sept anneaux que Jeanne d'Arc décrit effectivement dans son procès, elle précise qu'il est entre les mains des Bourguignons qui l'ont capturé. Donc elle ne peut pas l'avoir donné au cardinal de Beaufort. Après, il faudrait expliquer pourquoi le cardinal de Beaufort, qui est quand même là pour surveiller qu'elle soit bien brûlée, parce que les Anglais ont une absolue nécessité de faire brûler Jeanne, ou du moins de la faire déclarer hérétique, parce qu'il faut qu'ils prouvent que Dieu n'est pas avec les Français, comme le dit Jeanne d'Arc. Si Dieu est avec les Français, eux-mêmes n'ont plus rien à faire en France. Donc il faut absolument qu'ils prouvent qu'elle a tort. Pourquoi est-ce qu'ils auraient gardé une relique de celle qui les avait tant embêtés ? Qui est considéré par leurs soldats visiblement comme un porte-poisse, enfin, avec quel mauvais œil, ou à quel point qu'ils n'osent pas attaquer la garnison française qui s'est emparée d'une ville, Louviers, à proximité, et qui est visiblement là pour essayer de reprendre Jeanne d'Arc. Donc les Anglais n'osent pas attaquer Louviers tant que Jeanne d'Arc est vivante, parce qu'ils sont convaincus que Jeanne d'Arc leur porte malheur. Donc pourquoi garder un objet pareil ? Et puis ensuite, on n'a pas de preuves de la transmission de cet objet entre le 15e siècle et Madame Morel. Il n'y a pas d'inventaire. Alors, quand l'anneau a été vendu à Philippe de Villiers, il était dit que ça faisait partie de l'héritage de cette dame Morel, épouse Morel, un nom de famille Bentinck, je crois, qui est fait partie de l'aristocratie anglaise. On n'a pas d'inventaire qui a été produit pour prouver qu'il y avait dans cette famille-là, depuis le 15e siècle, un anneau de Jeanne d'Arc. Donc on n'a pas de preuves. Moi, je suis historien, je travaille sur les textes, j'attends un texte. Puisqu'on a, paraît-il, maintenant des moyens de dater non pas le métal, mais la pellicule de corrosion qui se trouve à la surface du métal, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une analyse qui permettrait de dater l'anneau de façon plus précise ? Tout ce que la maison de vente anglaise a pu produire, c'est une analyse de la composition de l'anneau qui dit que c'est en argent. Alors, en plus de ça, il y a un problème de non-conformité avec la description, c'est-à-dire qu'on attend trois croix, il n'y en a que deux. On attend une bague en laiton, pour autant qu'on sache ce que c'est que le laiton médiéval, c'est probablement plutôt du bronze. Alors que l'anneau en question est un anneau en argent doré, voilà, donc il y a quand même beaucoup de flou. J'étais dans le flou. Parti de Rouen, j'avais atterri au Puy du Fou. J'avais cherché une femme, une relique, un parfum, et j'avais seulement trouvé un anneau qui était peut-être faux. Mais au fond, qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'elle n'a pas 17 enveloppes, comme les oignons? Sur le parking du Puy du Fou, sous le soleil ardent, je pensais soudain que Paul Claudel devait avoir raison. Et je décidai tout à coup de reprendre ma quête et d'aller chercher Jeanne à l'autre extrémité de l'Hexagone, que dis-je, du royaume, sur les terres qu'il avait vu naître et recevoir sa vocation, à Don Rémy. Oui, je devais tout reprendre à zéro, et pister Jeanne d'Arc là où elle avait vu le jour, et c'est ainsi que je sortis de la nuit. Recherche Jeanne d'Arc désespérément. Un documentaire produit par Martin Kénéen et réalisé par Doria Zénine, avec la complicité de Nazia Magnez et Anouk Renaud. Prise de son, Alexandre Abergel, Julien Calvas et Jean-André Gianecchini. Mixage, Claude Niort. Avec les voix de Garance Marillier, Quentin Bayot et Michel Villermoz de la Comédie Française. Texte, extrait de Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, de Jacques Trémollet de Villers, paru aux éditions des Belles Lettres, et de Jeanne d'Arc érotique, de Patrice Kéréel, publié au Perroquet Bleu. Merci à l'historiale Jeanne d'Arc de Rouen et au Grand Parc du Puy du Fou. Jeanne d'Arc, une rencontre. Vous donne rendez-vous sur franceculture.fr où vous pourrez retrouver toutes les références bibliographiques et musicales de cette émission. Et demain, deuxième épisode, L'âme de Jeanne.